le sol. Et c'est curieux, mon petit âne danse. Je ne pourrais en croire mes yeux. Cinéastes et journalistes de partout dans le monde entier vinrent pour voir émerveiller ce petit âne fantaisiste. Longtemps, ils cherchèrent dans leur crâne un mot pour baptiser ce pas et décidèrent après 6 mois de l'appeler Tango de l'âne. Et on accueille maintenant Rosalie Dubois qui va nous interpréter le tango des fauvettes. Au Texas sous l'aurore, à des parfums de violette, un frisson de Pandore fait chanter toutes les fauvettes. Avec leurs tresses brunes et leurs yeux de velours, qui cherchent fortune, elles donnent l'amour. Dès que le jour a fui, elles s'en vont légères et de l'ardente nuit pour goûter le mystère. Baisers de passion de ces fauvettes brunes sont la folle chanson qui monte au clair de lune. Le gaucho qui chemine dans la sierra mystérieuse presse sur sa poitrine sa tendre fauvette amoureuse. Il a le cœur en fête en cette nuit d'été, car tout bas la fillette lui promet sa beauté. Dès que le jour a fui, elles s'en vont légères de l'ardente nuit pour goûter le mystère, les baisers de passion de ces fauvettes brunes sont la folle chanson qui monte au clair de lune. Hélas, il doit quitter ce doux pays de rêve. Il emporte là-bas l'espoir et la fortune, mais son cœur restera chez les fauvettes brunes. De Charles Aznavour et Gilbert Bécaud, voici « Je veux te dire adieu » et c'est interprété par Marjane. Et puisque d'autres mains sur ton corps impudique sont venus prendre place où mes doigts ont couru, et puisqu'un autre cœur

dernière danse pour moi. Tango, tango, tango magique et Marjane. Tango romantique, ton rythme est une étreinte d'amour. Tango fait de mots tendres si doux qu'à les entendre les cœurs s'y laissent prendre toujours. Un soir mieux qu'une danse, c'est toi par ta romance qui m'a donné la chance d'oser. Serré l'un contre l'autre, ta voix devint la nôtre, ce fut notre premier baiser. Est une étreinte d'amour. Les cœurs s'y laissent prendre toujours. Plus tard, quand nos ivresses feront jeunesse de loin les premiers gestes d'adieu, l'écho de la musique de ce tango magique viendra nous bercer tous les deux. Appelez Arc-en-Ciel au 02 38 43 48 00. Et je profite de ce petit pub maison pour vous rappeler que, on revient à l'accordéon deux minutes, que je recevrai samedi prochain, 21 décembre, les trois mousquetaires, comme je les appelle, Charles Cassonnet, Thierry Monico et Jacques Thauvin, entre 16h et 18h dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Lundi 23, je ferai une émission spéciale avec les chants de Noël du monde entier. Samedi 11 janvier 2020, je recevrai l'orchestre Berry Musette avec Bruno Parny et sa nouvelle accordéoniste. Et à l'heure actuelle, ce sera en discussion ce soir, je serai peut-être demain. Les oreilles qui saignent viendront de Châteaudun nous rendre visite. Les oreilles qui saignent que j'ai déjà reçues une fois. Orchestre complet, je crois, ce soir. Ils me préciseront. Donc, le 11 janvier, de 16 à 18 heures, le samedi, bien évidemment. Voilà. Alors, on va continuer avec Lina Margi et Rikita. À Java, il était né une poupée si jolie qu'on dit un bijou ou un joujou qu'on adore et qui rend fou. Un étranger en passant la voyant lui dit: viens donc à Paris, ma jolie, les plaisirs et les désirs te feront reine ou démon. Rikita, jolie fleur de Java, viens danser, viens te donner des baisers. Tes grands yeux langoureux en sorcelle, ton son doux chant émouvant nous appelle. Brigitta, joli rêve d'amour, on voudrait te garder pour toujours. Étranger, toi qui m'as dit à Paris, je trouverai le bonheur, moi j'en meurs, j'ai gardé la nostalgie du ciel bleu de mon pays. Ah, ce qu'ils m'ont fait souffrir, vos plaisirs. Laissez-moi, je veux partir ou mourir. Cette nuit, un ange blond m'a chanté votre chanson. Brigitta, jolie fleur de Java, viens danser, viens donner des baisers. Tes grands yeux langoureux en sorcelle, ton doux chant émouvant nous appelle. Brigitta, joli rêve d'amour, on voudrait te garder pour toujours. Et on continue les chansons, les musiques avec Cathy Albert, la valse brune. Oui, ça rappelle des souvenirs à certains. Ils ne sont pas des gens à valse lente, les baroudeurs qui glissent dans la nuit. Ils lui préfèrent la valse entraînante, souple et rapide, où l'on tourne sans bruit. Silencieux, ils enlacent leur belle, mêlant la côte avec le cotillon. Léger, léger, ils partent avec elle, dans un gai tourbillon. C'est la valse brune des chevaliers de la lune. Cherche un coin noir, c'est la valse brune des chevaliers de la lune. Chacun avec sa chacune la danse le soir. Ils ne sont pas tendres avec leurs épouses, et quand il faut, savent les corriger. Un seul soupçon de leur âme jalouse, et les rôdeurs sont prêts à se venger. Tandis qu'ils font à Berthe, à Léonore, un madrigal envers de leur façon. Un brave agent de son talent sonore souligne la chanson. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, de la lumière importune, et qui recherche un coin noir. Et qu'à la gorge il saisit un passant, les bons amis pour que tout bruit s'efface, non loin de lui chantent en s'enlaçant. Tandis qu'il pille un logis magnifique, ou d'un combat qu'il sait sortir vainqueur, les bons bourgeois grisés par la musique murmurent tous en cœur. Cherche un coin noir, c'est la valse brune des chevaliers de la lune. Chacun avec sa chacune la danse le soir. Et c'est André Claveau maintenant qui nous interprète Petit homme, c'est l'heure de faire dodo. Petit petit homme, tu pleures, je connais ton chagrin. Quelqu'un t'a cassé ta belle auto. Petit homme, tu pleures, je connais ton chagrin. Quelqu'un t'a cassé ta belle auto. Va, faut pas t'en faire. Petit homme, c'est l'heure de faire dodo. Ton ami Jean-Pierre t'a gagné tes billes. Papa t'en rachètera bientôt. Non, faut pas t'en faire. Petit homme, c'est l'heure de faire dodo. T'as joué au soldat, t'as gagné la bataille. L'ennemi est décimé. Assez de mitraille. Range ton canon, ce soir la guerre est terminée. La journée s'achève, mon enfant chéri, c'est l'heure où l'on couche les héros. L'heure des beaux rêves, petit homme, c'est l'heure de faire dodo. Quand tu seras un homme pour de bon, tu feras ce que tu voudras. Mais tu n'es en somme qu'un tout petit garçon que le sommeil va pour rendre dans ses bras. Petit homme, tu pleures, je connais ton chagrin. Quelqu'un t'a cassé ta belle auto. Va, faut pas t'en faire. Petit homme, c'est l'heure de faire dodo. Ton ami Jean-Pierre t'a gagné tes billes. Papa t'en rachètera bientôt. Faut pas t'en faire. Petit homme, c'est l'heure de faire dodo. T'as joué au soldat, t'as gagné la bataille. L'ennemi est décimé. Assez de mitraille, range ton canon. Ce soir, la guerre est terminée. La journée s'achève, mon enfant chéri, c'est l'heure où l'on couche les héros. L'heure des beaux rêves, petit homme, c'est l'heure de faire dodo. Et on va changer un petit peu avec chansons et accordéon. Et ce sera Jean-Marc Thibault, un medley de chansons populaires. Quand on a roulé sur la terre entière, on a envie de retour dans le train, le nez au carreau, d'ouvrir la portière et d'embrasser tout comme du bon pain. Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces gros blés mûrs remplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France. Ce jardinet où on lit bien méchant, ça sent si bon la France. À chaque gare un murmure, en passant vous souriez. Paris direct en voiture, ça sent bon le pays. celle qui m'attend. Elle me garde son amour et nous nous marions dès le prochain printemps. Ding-dong, j'entends toujours le gai carillon d'amour. La voix de mon clocher, la bonne Alsace. Au rythme de la chanson, plus clair et plus léger sont les jours qui passent. C'est la valse marseillaise qu'on fait bien à l'aise, un, deux, trois comme ça, un petit pas. Somme doux rythme nous chavire et la main délire, l'amour vient et va, un petit pas. Dame ça, on se donne, le cœur s'abandonne, on se dit tout bas, un petit pas. Des sermentés, des folies, je vivais ma vie au côté dans tes bras, un petit pas. Étoile des neiges, mon cœur amoureux s'est pris au piège de tes grands yeux. Je te laisse en gage cette croix d'argent et de t'aimer toute la vie, je fais serment. Plus que les rues de Paris, elle aime ses bruyères. Car c'est là qu'elle a grandi, au pied des grottes aux jolies. Quand la bruyère est fleurie, au flanc des malédières, qu'ils sont loin les soucis qu'ont les gens de Paris. Tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux, il y aura dans la nuit sans voile pour les yeux. Et nous, les gars sans fortune, nous avons nos trésors. Seul un rayon de lune vaut le plus beau décor. Ici, à la belle étoile, on sera toujours heureux. Tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux. Cette brunette aux yeux de paradis, oh, ça sent si bon la France. Le PMU qui ferme avant midi, oh, ça sent si bon la France. Le petit bistrot où l'on fait crédit, merci, ça sent si bon la France. C'est samedi, faut pas s'en faire, repos jusqu'à lundi. Et on continue bien sûr en chanson et en musique avec cette fois-ci Luis Mariano et c'est le premier rendez-vous. Quatorze heures passées de 36 minutes. Doit être doux, c'est troublant, l'instant du premier rendez-vous, où le cœur l'a de battre solitaire, s'envole en frissonnant vers le mystère. Vous, l'inconnu d'un rêve un peu fou, faites qui la porte pour nous, le bonheur d'aimer la vie entière, l'instant du premier rendez-vous. Quand monsieur le temps, un beau jour de printemps, fait d'une simple enfant presque une femme, le songe bleu d'un avenir joyeux ferma les yeux elle soupire au fond de l'âme. Qu'il doit être doux c'est troublant l'instant du premier rendez-vous où le cœur l'a de battre solitaire s'envole en frissonnant vers le mystère. Où l'inconnu d'un rêve un peu fou faites qu'il apporte du premier rendez-vous. Toutes les femmes sont belles, c'est vrai, il paraît. Et c'est mon ami Denis Danse. Les femmes ont un sourire qui parle au cœur, quelque chose qui ressemble à du bonheur. Certes, elles ont des prix de beauté et d'autres n'en auront jamais, car la beauté de l'âme reste caché. Toutes, toutes, toutes les femmes sont belles. Toutes, toutes au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux. Toutes, toutes, toutes les femmes sont belles quand leur amour nous ensoleille. On est près d'elles et soudain on est bien comme dans un jardin. Qu'elle soit adolescente ou bien maman, en dentelle ou en blue jean, tout simplement. Qu'elle soit blonde, brune ou rousse, bien qu'elles aient des cheveux blancs, mon cœur leur chante à toutes en même temps. Toutes, toutes, toutes les femmes sont belles. Toutes, toutes au cœur ont une rose, une douceur dans les yeux, une chaleur qui ne peut que nous rendre amoureux. Toutes, toutes, toutes les femmes sont belles quand leur amour nous ensoleille. Moi l'éternel baladin, c'est de tout cœur que je viens vous offrir ce refrain. Toutes, toutes, toutes les femmes sont belles. Toutes, toutes au cœur. Gianni Franco, maintenant, rend hommage à Tino Rossi. « n'a quitté un homme qui a grandi et chanté l'amour et le bonheur. Le soleil est entré à notre cœur. Méditerranée, il t'a choisi. Au Corse sacré, tu as pris sa vie. Mais oui, mes amis, vous l'avez compris, c'est notre ami, Tino Rossi. Oh Tino, je chante pour toi, même si je n'ai pas ta voix. Je chante au nom de tous les hommes qui ont dansé et chanté. À la Normandie, on a fredonné tes mélodies. Tu savais faire battre les cœurs. Grâce à toi s'envoler tous nos malheurs. Oh Tino, pour te rendre hommage, j'ai emporté dans mes bagages tout l'amour que je pouvais donner. Oh Tino, je chante pour toi, même si je n'ai pas ta voix. Je chante au nom de tous les hommes qui ont dansé et chanté Marinella. Et puis un jour tu nous as quittés, pour toi nous avons tous pleuré. Restera gravé dans notre histoire. Oh Tino, comment oublier 50 années à nos côtés et la chanson du gondolier, celle que j'avais tant aimée. Oh Tino, je chante. Écoute maintenant, tu t'en vas de Noël Cordier et. J'ai perdu le nom, ça y est. Noël Cordier et Alain Barrière. Et c'est chanté par. Joué par Denny Lance et son épouse Agnès. Tu t'en vas, Denny Lance donc. Ben c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Si, c'est celui-là, ben voilà. Tu t'en vas. Mais dans mon cœur, non, ce n'est rien que quelques semaines à s'attendre. Tu t'en vas. comme un été, comme un dimanche. J'ai peur de l'hiver et du froid, j'ai peur du vide et de l'absence. Tu t'en vas et les oiseaux ne chantent plus, le monde n'est qu'indifférence. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi, j'ai peur que vienne le silence. La la la la la la la la. Tu t'en vas. Ce n'est mon cœur, tu le sais bien, qu'un caprice de l'existence. Tu t'en vas. Le temps, l'espace ne sont rien si tu me gardes ta confiance. Tu t'en vas. Seul et perdu, comme un pizzane de l'enfance. J'ai peur de l'hiver et du froid, j'ai peur du vide et de l'absence. Tu t'en vas, soudain pour moi tout s'assombrit, le monde n'est qu'incohérence. J'ai peur de toi, j'ai peur de moi. Une radio pour moi ? Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Quand on est marinier, une chanson de Tino Rossi. Et c'est André Gilles. Au nom des berges de France, a-t-il fait bon naviguer ? Le vent chargé d'espérance avec nous bien chanté. Ô marinier, ohé, à bord de ma péniche, du monde je me fiche, à l'amour il chante son refrain, le roi n'est pas mon cousin. Sur mon chaland fidèle, venez, venez la belle, pour aller vers le bonheur, là-bas. Ma péniche vous attendra, on fait rien à moitié quand on est marinier. Pour une caresse blonde, des guerres du soleil, l'eau court jusqu'au bout du monde, et nos frères sont pareils. Ô marinier, ohé, à bord de ma péniche, du monde je me fiche, dans l'amour il chante son refrain, le roi n'est pas mon cousin. Sur mon chaland fidèle, venez, venez la belle, pour aller vers le bonheur, là-bas. ma péniche vous attendra. On fait rien à moitié quand on est marinier. Quand on est marinier. La petite horloge, maintenant chantée par Jacques Lantier. C'était un petit gars arriéré, mal fait, qu'il soit pour deux sous vendait des bouquets. Une belle dame un jour le voyant si novice, de l'emmener chez elle s'offrit le caprice. L'innocent grisé crut mourir d'émoi, car son cœur battait pour la première fois. Il battait si fort devant la mutine qu'il dut à deux mains se tenir la poitrine. Et tandis qu'elle riait, riait, le pauvre gars lui soupirait. J'ai dans le cœur une petite horloge, j'entends lorsque je l'interroge qu'elle bat quand j'ai de bonheur. Moi qui ne suis qu'un gamin de Paris, je n'en sais trop rien, mais je vous le dis, elle doit marquer l'heure du paradis. Et tant ça se comprend, éperdu d'amour, le petit gars croyait que ça durerait toujours. Mais la nuit mondaine le mit à la porte. Non, tu voudrais pas, mon petit, faut que tu sortes. Saisissant pas bien, trop simple d'esprit, il faillit tomber, le pauvre petit. Et tout grimaçant d'un air ridicule, sentit se disloquer la petite pendule. Puis ayant un instant songé, il entra chez un horloger. J'ai dans le cœur petite horloge, j'entends lorsque je l'interroge qu'elle est cassée, j'en ai bien peur. Elle marchait trop vite en une fois, et dame, ça vous fait je ne sais quoi. Quand ça s'arrête, ça fait mal, ça fait froid. J'ai cru qu'il se moquait, mais le regardant, il vit qu'il pleurait. Et dame, quand on voit tomber de vraies larmes, même ayant le cœur dur, cela vous désarme. Il prit dans sa main celle du petit, et tout attendri, doucement lui dit: tu sens détraqué, l'air sort de ton âme. Va, je le comprends, c'est l'œuvre d'une femme. Tu n'es pas le seul, mon pauvre gars, faudra tâcher d'oublier ça. T'as dans le cœur une petite horloge, pas besoin que je l'interroge, ça ne marche pas, c'est un malheur. Mais on ne peut rien faire dans ce cas, car pour tout le monde, ces horloges-là, quand c'est cassé, ça ne sera commode pas. Et on écoute maintenant J'avais 20 ans avec André Gide. J'avais 20 ans pour les yeux d'une femme. Un mot d'amour faisait battre mon cœur. Pour être aimé, j'aurais vendu mon âme, et de mon sang, j'y payais ce bonheur. Je vous voyais, mesdames, toutes belles, séduisant. Plus je vieillis, plus je vous vois charmante, que je voudrais avoir encore 20 ans. Plus je vieillis, plus je vous vois charmante, que je voudrais, mais je n'ai plus. Pire, c'est que c'est vrai. 15 heures passées, ben 15 heures tout juste. 15 heures tout juste, sur le pendule de Radio Arc-en-Ciel. Il n'y a pas de passé. Les corons de Pierre Bachelet, Denis Danse. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Nos fenêtres données sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait nos cartables. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. Oh non, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des milliards de fonds. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils à défaut de montagne, d'en haut je voyais ma campagne. Mon père était gueule noire comme l'étaient ses parents. Ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse comme on est d'un pays. C'est avec eux que j'ai grandi. Oh non, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose posé sur fond de silicone. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime son pays. C'est grâce à eux que j'ai compris. Oh non, c'était les. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. André Gilles, ne croyez pas que ce soit un imitateur de Tino Rossi, pas du tout. Il avait, c'est le hasard, il avait à peu près la même voix. André Gilles, c'était une icône de la chanson. Avant de devenir une vedette, il s'appelait André Gillier. C'est en Algérie qu'il a vu le jour, plus précisément Alger, tout comme Guy Bedos ou Roger Hanna, élève comme lui du lycée Bugeaud. Fils de gendarme, il ne se sentait vraiment pas de goût pour leur carrière des armes, et son paternel n'avait pas envie de voir son fils devenir saltimbanque. Lui, ce qu'il a aimé très tôt, c'est chanter et séduire grâce à une voix et une assurance qui avaient impressionné son entourage. Mais la chanson, pour un gendarme, ça n'était pas vraiment sérieux. Alors, pour fuir l'entreprise paternelle et réaliser son rêve, celui qui chantait comme Tino Rossi, l'idole du moment, avait fui le soleil de l'Algérie et s'était engagé dans l'armée de l'air. C'est dans les bars où il s'était mis à chanter qu'il a gagné ses galons. Il s'aperçoit d'ailleurs qu'il gagne mieux sa vie en chantant les standards de Tino Rossi, les grands airs étincelants de Georges Guettari ou les succès roucoulants de Luis Mariano qu'en restant militaire. Il se fixera en Lorraine en passant par la base d'Auché et fera le grand saut en embrassant une carrière professionnelle et provinciale dans l'orchestre Francini dans les années 50. Puis il monte sa propre formation, un grand orchestre avec des cuivres et 15 musiciens. Ça a de la gueule de succès. Avec sa voix d'or, il est le roi. André Gide enchaînera des milliers de concerts, chantera dans les bals, dans des croisières. Il fait chavirer le cœur des femmes, toujours tiré à quatre épingles, dans son smoking blanc très cintré, le brushing impeccable. Pas un cheveu ne devait dépasser, c'en était devenu sa marque de fabrique. Il est décédé en 2017, à l'âge de 83 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons. On l'écoutera à nouveau tout à l'heure. En attendant, on va écouter Froufrou, ça n'a rien à voir, hein. Froufrou avec Mado Robin. Robin en chasse un autre, Claude Robin, et c'est Ramona. Depuis le moment où je t'ai connu, hélas follement, je n'ai cessé de penser à toi comme un insensé. Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux. Ramona, nous étions partis tous les deux. Nous allions lentement, loin de tous les regards jaloux. Et jamais deux amants n'avaient connu de soir plus doux. Ramona, je pouvais alors me griser de tes yeux, de ton parfum, de tes baisers. Et je donnerai tout pour vivre un jour. Ramona, ce rêve d'amour. Mais ce doux roman ne fut seulement qu'un rêve d'amant. Par ta cruauté, tout autre a été la réalité. Ramona, j'ai fait un rêve merveilleux. Ramona, nous étions partis tous les deux. Nous allions lentement, loin de tous les regards jaloux. Et jamais deux amants n'avaient connu de soir plus doux. Ramona, je pouvais alors me griser de tes yeux, de ton parfum, de tes baisers. Et je donnerai tout pour vivre un jour. Ramona, ce rêve André Gide, je parlais tout à l'heure, est bien décédé à l'âge de 83 ans en juin 2017. Il y aura donc 3 ans au mois de juin prochain. Le chanteur à la voix d'or s'est tu, disait le républicain Lorrain. Et on continue, nous, avec un des succès de Claude François, cette année-là, chanté par Anthony, le fils de Denis Danse et de son épouse Agnès. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année! Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Et dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça. Déjà, les Beatles étaient 4 garçons. J'ai découvert mon premier, mon dernier rêve.

tous les jours 20 ans. Patron donne congé à sa petite, et comme le printemps leur sourit, à la campagne elles vont tout de suite chercher un beau petit coin fleuri. Dans une auberge en pleine verdure, elles déjeunent sur le bord de l'eau, puis valsant au son d'un piano, en chantant pour marquer la mesure. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. C'est le jour le plus beau de la vie, alors on peut faire des folies. L'occasion, il faut la saisir, payons-nous un petit peu de plaisir. Nous n'en ferons pas toujours autant, on n'a pas tous les jours 20 ans. Tous les amoureux de ces demoiselles sont venus le soir à leur tour, et l'on entend sous les tonnelles chanter quelques duos d'amour. Passant par là, prêtant l'oreille, un beau vieux s'arrête en chemin, à sa femme en prenant sa main, lui dit: souviens-toi ma bonne vieille, on n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. Et quand vient l'heure de la vieillesse, on apprécie mieux la jeunesse. De ce beau temps si vite passé, on ne profite jamais assez. Et plus tard on dit tristement, on n'a pas tous les jours 20 ans, on n'a pas tous les jours 20 ans. Et on écoute maintenant à 15h23, on écoute Sérénade au clair de lune, Assa de Busny. N'inversons pas. Assa de Busny. Une voix, puis aussitôt c'est l'écho qui reprend doucement. L'amant qui cherche sa belle, tendrement chanté pour elle. En hésitant, il s'approche et sous les frondaisons aperçoit sa maison. C'est une sérénade au clair de lune. C'est la chanson du cœur douce et câline, que lentement scandent les mandolines. Elle ouvre sa fenêtre quand il la voit paraître. Dans son âme il s'en être tant de chaleur et tant de bonheur. Passer les beaux jours sont trop courts, mais le printemps renaissant voit fleurir le désir. L'amant revient vers sa belle avec une ardeur nouvelle, et lui disant son amour afin de l'attendrir, chante ses souvenirs. dans son âme il sent naître tant de chaleur et tant de bonheur qu'il donnerait sa vie et sa fortune. En parlant du clair de lune, on va continuer avec la chapelle au clair de lune et Lucienne Delisle. La chapelle au clair de lune, où j'ai tant rêvé de vous, attendant l'heure opportune d'un au rendez-vous. Garde nos amours en close et je reviens tendrement près d'elle parmi les roses inlassablement. Quand les fleurs seront fanées et quand l'orgue sera sourd, la chapelle abandonnera, moi je reviendrai toujours. La chapelle au clair de lune, espérant votre retour, verra-t-elle en la nuit brune bénir notre amour. La chapelle au clair de lune n'a pas vu votre retour et je viens dans la nuit brune Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Et à 15h29, précisément, on va écouter Jalousie par Lynn Renaud. Destin qui te fit un beau matin croiser ma route, le désir est sans doute, mais depuis tout au long des jours et des nuits de toi je doute et mon rêve s'enfuit. Lorsque tu viens te blottir entre mes bras, tes yeux ne peuvent mentir, je n'y crois pas. Sur mon souci, tu ris tout bas, ma chérie, ne m'en veux pas. Mon cœur est jaloux. Jaloux d'un regard vers une autre, d'un mot qui soudain fait trembler ta voix. Jaloux d'un frisson qui se glisse en toi. Pourtant, quelquefois, si le soir je pense bonheur pour cœur est jaloux malgré moi. Mais c'est ce danger, j'en ai peur, qui nous lie si bien l'un à l'autre. Cœur est jaloux malgré moi. Mon cœur est jaloux malgré moi. Et c'est Gianni Franco. Il nous chante maintenant Une goutte de pluie. Ton cœur contre mon cœur et j'oublie tout. Ta joue contre ma joue. Quoi de plus doux? Perdu dans la campagne. De pluie coule sur ton visage, le rendant davantage si fragile à la vie. Une goutte de pluie a traversé les montagnes, a parcouru la campagne pour la femme de ma vie. Ton cœur contre mon cœur et j'oublie tout. Ta joue contre ma joue. Quoi de plus doux? Perdu dans la campagne, surpris par l'orage. Je vois sur ton visage une goutte de pluie. Une goutte de pluie qui te rend hommage, qui laisse sur ton passage des éclats de rubis. Mais cette goutte de pluie transportée par l'orage n'est qu'un heureux présage de l'amour qui nous unit. Ton cœur contre mon cœur et j'oublie tout. Ta joue contre ma joue. Quoi de plus doux? Perdu dans la campagne, surpris par l'orage, je vois sur ton visage une goutte de pluie. De pluie, ce n'est pas une larme qui briserait le charme d'une si belle nuit. Une goutte de pluie a traversé les montagnes, a parcouru la campagne pour la femme de ma vie. Ton cœur contre mon cœur et j'oublie tout. Ta joue contre ma joue. Quoi de plus doux? Perdu dans la campagne, surpris par l'orage, je

le fifre et le tambour qui menaient aux batailles, conduiront nos amours. Je n'ai pas cherché la gloire, j'ai voulu le bonheur, et ma seule victoire, c'est d'avoir gagné son cœur. Je m'en vais revoir ma blonde, je vais revoir mamie, puisqu'on dit à la ronde que la guerre est finie. Tous les gardes par le monde seront de mon avis. Rien ne vaut une blonde pour vous faire aimer la vie. Rien ne vaut une blonde pour vous faire aimer la vie. Parce qu'un air d'accordéon, Rosalie Dubois. Parce qu'un air d'accordéon parlait d'amour au ciel de mer, parce que dans tes cheveux blonds le vent du large m'embaumait, parce que l'air embarrassé tu m'as appelé mademoiselle, parce que tu m'as fait danser, que tu m'as dit que j'étais belle. Je t'aime parce qu'au jour mes 16 ans, t'aurais pu être le petit gars qui m'a souri quartier Saint-Jean et qui m'a prise entre ses bras, parce que les mots qu'il m'a dit m'ont comme toi rendu heureuse, et que j'ai fait du paradis avec le bleu de ta vareuse. Je t'aime parce qu'il nous faut bien aussi, quand les pavés sont trop mouillés, un brin de muguet qui refleurit et qui nous aide à oublier. Parce que tu m'as dit qu'un jour tu reviendrais probablement, parce que même après l'amour, tu m'as embrassé tendrement. Je t'aime. Parce que dans tes cheveux blonds, le vent du large, parce que j'étais sur le bord d'imaginer que tu m'aimais, parce qu'en ce moment tu dors et que tu ne le sauras jamais. Je te Yvette Giraud, et ce sera Mademoiselle Hortensia. Je cherchais le nom de la fleur. Autant des crinolines vivait une orpheline toujours tendre et câline, Mademoiselle Hortensia. La belle était lingère, comme elle était légère devant ses étagères, Mademoiselle Hortensia. Tous les galants du palais royal lui dédiaient plus d'un madrigal. Les arcades, les cœurs en embuscade rêvaient Le beau seigneur, mademoiselle Hortensia. Oui, mais un homme énigmatique entré dans la boutique trouva fort sympathique mademoiselle Hortensia. Il prit quelques dentelles, il dit des bagatelles, que lui répondit-elle mademoiselle Hortensia. Je n'en sais rien, je n'écoutais pas, mais les voisins vous diront tout bas qu'un fiacre à la nuit close, discret, cela s'impose, va prendre fraîche et rose mademoiselle Hortensia. Et depuis ça, dans sa calèche, filant comme une flèche, la belle au teint de flèche, mademoiselle Hortensia. Au bas, à la cascade, au bar des ambassades, jamais triste ou maussade, mademoiselle Hortensia. Elle a trouvé, non, pas un amant, mais simplement un mari charmant. Et elle nous invite, venez, venez bien vite, rendons une visite à la comtesse Hortensia. Et c'est Michel Sardou, Sardou qui prend le relais avec les balles. Bon, Michel Sardou, oui, avec les balles populaires, je dis bien. Dans les balles populaires, l'ouvrier parisien, la casquette en arrière, tourne, tourne, tourne bien. Dans les balles populaires, les raquettes du samedi, du bleu sur les paupières, tourne, tourne, tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir, en bois, nous on ne danse pas. On est là pour boire un coup, on est là pour faire les fous, et pour se revoir un coup, et pas payer nos verres. Pour boire un coup, et je dirais même un bon coup, et rigoler entre nous, sur les airs populaires, sur les. Quand l'accordéon joue, le tango des grands-mères, elles dansent entre elles et l'on s'en fout. Dans les balles populaires, on chante un peu ce qu'on veut, moins on fait de manière et plus ça tourne, tourne mieux. Mais là-bas, près du comptoir en bois, nous on ne danse pas. On est là pour boire un coup, on est là pour faire les fous, et pour se revoir un coup, et pas payer nos verres. Pour boire un coup, et je dirais même un bon coup, et rigoler entre nous, sur les airs populaires, sur les airs populaires. Dans les balles populaires, chacun veut sa chanson, l'orchestre joue ce qu'il sait faire, ça tourne, tourne plus ou moins rond. Dans les balles populaires, quand le barman s'endort, même après la dernière, ça tourne, tourne, tourne encore. Payer nos verres, pour continue avec Daniel Balawan, le chanteur. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Michel, ben, j'entends bien mon Michel, comment tu vas bien? Ça y est, c'est la fin? C'est la fin pour toi? Quand on ne joue plus les marlous, je n'ai pas revu Cabalou. Rien n'a plus vraiment le même goût. Viviane Leigh a les cheveux blancs, elle regrette le noir et blanc. Pour autant qu'on emporte le vent. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra ont des relents de rumba. Señorita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma, on a fermé la lambra. Quand on voudrait bien retenir un tramway nommé Désir, Hollywood ne veut pas mourir. Marilyn aurait 50 ans, James Dean rien n'est plus vraiment comme avant. Oh, oh, oh. Seigneurita, dépêche-toi, je sens qu'il est bien tard déjà. Quand ma guitare a sous mes doigts les caprices d'une diva. Seigneurita, dépêche-toi, j'espère que tu ne m'en veux pas. Mais les fins comme au cinéma, tu sais ça n'existe pas. Quand on n'est plus sur sa moto, il se meurt dans un tango, retenant, retenant le dernier sanglot. Tous les Indiens sont en VO à l'ouest du Rio Bravo. Rien ne va plus, rien ne va plus, même chez les gringos. Oh, oh, oh. Señorita, dépêche-toi et remets ta robe de tata. Tous les plus grands airs d'opéra dans des relents de rumba. Señorita, dépêche-toi, je suis un peu plus vieux que toi. Je ne vais plus au cinéma, on a fermé la lambra. Señorita, dépêche-toi, j'ai oublié les camélias. Je n'ai pas le physique pour ça, alors danse, danse pour moi. Radio Arc-en-Ciel, on est en direct aujourd'hui avec Michel. Ça va Michel, t'es en forme? Oui, à peu près. On est bien, bientôt 16h, hein. Le Store Job qui va démarrer dans 3 minutes, juste après un titre. Aujourd'hui, il a fait mauvais comme temps, t'as vu, hein, pluvieux. Ouais. C'est pas aujourd'hui, ça fait 2 mois que ça dure. Non, mais hier, il y avait un peu de soleil, hier, quand même. Ouais, c'est les giboulées de Mars, mon cher. C'est ça, les giboulées. Bon, on se retrouve avec... c'est les températures de Mars. Voilà, les températures. Tout fonctionne, on est en direct. Dans quelques minutes, il sera 16h. Aujourd'hui, je reçois Michel Ricoux et Nordi Natab. Oui, Michel Sardou, j'ai eu peur. Ouais, Sardou, ça aurait été bien. J'aurais bien le recevoir, Michel Sardou. Non, Michel Ricoux qui défendeur de la source. Ah oui. Et Nordi Natab qu'on connaît très bien. Nordi Natab, grand sportif qui est sur France 5, qui sera mon invité 17h, 17h30, voilà. Ok. On écoute de la musique? Eh bien, on écoute un petit peu de musique, puis les pubs, et puis je dis bonsoir. Je souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Le son revient. Une bonne soirée, une bonne semaine. Rendez-vous samedi, donc, avec les trois mousquetaires, Charles Cassonnet, Thierry Monico et accordéoniste tous les deux, et Jacques Thauvin, chanteur et au synthé. Voilà. Entre 16h et 18h, bien sûr, sur Radio Arc-en-Ciel, en espérant que tout fonctionne. C'est quand que tu viens, c'est quand que tu passes, c'est quand que tu me prends par la main et que tu me dis, allez viens, on se casse. C'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau. C'est quand t'arrives, dans combien de temps? C'est quand t'arrives et que tu me dis, allez viens, viens maintenant c'est le moment. Dis-moi c'est quand. C'est quand. Quand, quand, quand, quand. C'est quand tu m'emmènes, c'est quand que ça commence. Ça s'unit cette rengaine imbécile de mon cœur en vacances. C'est quand tu m'emmènes, c'est quand le départ. C'est quand qu'on se promène sur une plage à la tombée du soir. C'est quand tu décides, c'est quand que tu oses. C'est quand le sublime, nos deux corps enlacés sur des pétales de rose. C'est quand je veux y croire, c'est quand tu m'enlèves. Notre histoire, puis c'est quand le conte de fées dont on parle dans les rêves. Oh. Oh. C'est quand tu m'embrasses, c'est quand le désir, c'est quand qu'on se trace sur des routes inconnues à nous faire du plaisir. C'est quand tu m'appelles, c'est quand t'hésites plus. C'est quand l'éternel, même si on se plante pas grave, je suis déjà perdu. C'est quand tu m'emmènes, c'est quand le bonheur, c'est quand que tu m'aimes, c'est quand que tu m'aimes. Oh.